إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. La clé de l'islam, la parole par laquelle on entre dans la religion agréée par Allah subhanahu wa ta'ala, qui est la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala, qui est l'islam, c'est le témoignage, l'attestation que la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, que nul n'est adoré en vérité si ce n'est Allah et que Muhammad est le messager d'Allah. La ilaha illallah, c'est une parole qui est très lourde sur la balance. Si elle était posée sur le plateau de la balance et que les cieux et la terre et tout ce qui s'y trouve étaient posés sur l'autre plateau de la balance, la ilaha illallah l'emporterait. La ilaha illallah, c'est la raison pour laquelle Allah tabaraka wa ta'ala a créé les djinns et les hommes. Allah nous dit dans le Coran, « وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ » Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. قال ابن عباس رضي الله عنهما إلا ليعبدون أي ليوحدون ليوحدوا الله سبحانه وتعالى. Abdullah ibn Abbas, le grand compagnon du prophète alayhi salatu wassalam, le cousin du prophète alayhi salatu wassalam, car il est le fils de l'Abbas. L'Abbas, c'est le frère de Abdullah, le père du prophète alayhi salatu wassalam. Et l'Abbas est entré dans l'islam. Il fait partie des oncles du prophète alayhi salatu wassalam qui sont entrés dans l'islam, comme Hamza radiallahu anhu. Et son fils, Abdullah, il était aussi musulman. Il est entré très jeune, enfant, c'était un enfant. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'aimait beaucoup. Et il lui a enseigné, comme il a enseigné aux autres compagnons. Et tellement qu'il l'aimait, il a prié Allah subhanahu wa ta'ala pour lui. Il a dit, alayhi salatu wa sallam, sur Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhuma, Allahumma faqqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ô Allah, donne-lui la compréhension dans la religion et fais-lui comprendre l'explication du Coran. At-ta'wil huna bima'na tafsir al-Quran, dans le sens de l'exégèse dans le Coran. Et Allah tabaraka wa ta'ala a exaucé la demande et la supplication de son prophète alayhi salatu wassalam. Et plus tard, Abdullah ibn Abbas fut le plus grand commentateur du Coran parmi les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. De même que lors du califat de Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, et Abdullah ibn Abbas est encore jeune, il avait 20 et quelques dans son âge. Et Omar ibn al-Khattab le faisait entrer dans les assemblées des anciens, dans les assemblées de ceux qui ont participé à la bataille de Badr. Et les anciens compagnons disaient à Omar ibn al-Khattab, pourquoi tu ramènes ce jeune alors qu'on a parmi nos enfants certains qui ont son âge et on ne les ramène pas? et Omar al-Khattab pour leur faire comprendre qu'il n'est pas comme les autres jeunes, mais qu'il a de la connaissance bien plus grande et bien plus énorme que celle qu'auraient les autres jeunes, il leur a demandé, pour les éprouver, que comprenez-vous de la sourate la victoire, al-Nasr, إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. Eux, ils ont pris le sens apparent de la sourate et ils ont dit, lorsque la victoire sera donnée au prophète عليه الصلاة والسلام et que les gens entreront en masse dans la religion, Allah demande à son prophète de demander le pardon et de glorifier Allah subhanahu wa ta'ala. Puis, Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu demanda à Abdullah ibn Abbas qu'est-ce qu'on doit retirer de cette sourate, quelle est la leçon à tirer de cette sourate. Et Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu m'a dit, cette sourate est une preuve comme quoi la mort du prophète alayhi salatu wa salam est proche, que sa mission est terminée. Et les sahaba étaient étonnés de la compréhension de Abdullah ibn Abbas. Et donc, c'est pour montrer la valeur de Abdullah ibn Abbas. Donc, le prophète salam, a fait une dua pour lui. Et donc, Abdullah ibn Abbas, sur le verset coranique où Allah tabaraka wa ta'ala nous dit « وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ » Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Il a dit que pour qu'ils m'adorent, c'est-à-dire pour qu'ils fassent preuve de monothéisme envers moi, qu'ils m'unifient dans leurs adorations, qu'ils fassent preuve d'unicité envers Allah subhanahu wa ta'ala. Car l'islam, c'est le pur monothéisme, c'est l'explication véritable de la ilaha illallah. Et le contraire du monothéisme, c'est le polythéisme. C'est le fait de prendre plusieurs divinités avec ou en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'adorer, de vouer des cultes à autre ou avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et voilà le plus grand des péchés. Et voilà le plus grand des polythéismes. Et voilà la plus grande des mécréances. Et voilà le plus grand mal qu'Allah tabaraka wa ta'ala ne pardonne pas. Jusqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna thalika liman yasha. Certainement Allah ne pardonne pas qu'on lui associe, qu'on fasse du polythéisme, mais en dehors de ce crime, de ce grand mal qui est le polythéisme, al-shirk, en dehors de cela, il pardonne à qui il veut. Le polythéisme, c'est le plus grand mal. Et le monothéisme, c'est le plus grand bien. Il y a une très grande règle dans l'islam qui est demandée à tous et qui est une des caractéristiques des musulmans véritables et des croyants qu'on appelle Al-Amru bil Ma'ruf wa Nahyu anil Munkar. De recommander le convenable et d'interdire le blâmable. Et voilà le conseil mutuel sur la vérité qui est voulu dans le verset coranique où Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans surat al-Asr, le temps où il dit wa tawasaw bil haqq, et ils se sont conseillés mutuellement la vérité, c'est-à-dire le conseil, c'est-à-dire ont ordonné le convenable et interdit le blâmable. Et Allah tabaraka wa ta'ala dans d'autres versets nous le dit bien, que c'est bien le caractère des croyants, wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Et les croyants et les croyantes, les uns sont les alliés des autres, les uns sont les intimes des autres, les uns sont les fidèles des autres, les uns sont les amis des autres, les uns sont les proches des autres, ils ordonnent le convenable et interdisent le blâmable. Dans l'autre verset, Allah tabaraka wa ta'ala nous dit كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Vous étiez la meilleure communauté qu'on ait fait surgir sur terre. Vous ordonnez le convenable, interdisez le blâmable et vous croyez en Allah. Ubadah ibn Samit radiallahu anhu nous raconte lorsque lui et d'autres ont prêté allégeance, ont fait le serment au prophète alayhi salatu wassalam. Et parmi les choses, il a dit « Wa an ansaha li kulli muslim la akhsha fi dhalika lawmata la'im » et que je conseille tout musulman, je ne crains en cela le reproche de personne. C'est un devoir entre musulmans. لأن المسلم مرآة أخيه. Le musulman, c'est le miroir de son frère. De même que le prophète alayhi salatu wassalam nous dit الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة قيل لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. La religion, c'est le conseil. La religion, c'est le conseil. La religion, c'est le conseil. Nous avons dit, envers qui, ô messager d'Allah ? Il répondit, envers Allah, son livre, son messager, les gouvernants de cette communauté et toute la masse de la communauté, vers tous les gens. De même que le prophète, alayhi salatu wassalam, nous dit, « Man ra'a minkum munkaran, fal yughayyirhu biyadih. » فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. Celui d'entre vous qui voit un mal, qui le rejette, qui le repousse par sa main, s'il ne le peut par sa langue, s'il ne le peut par son cœur, et voilà le plus bas degré de la foi. Au minimum, il rejette ce mal par son cœur. Il peut par la langue, il le fera par la langue. Il peut par la main, il le fera par la main. Chacun selon sa capacité, selon le moyen qu'il a et selon la responsabilité aussi qu'il a. Donc, recommander le convenable et interdire le blâmable. Cette très grande règle dans l'islam. Et quel est le plus grand convenable ? Quel est le plus grand bien auquel on doit appeler ? Auquel on doit conseiller, auquel on doit inviter, si ce n'est la ilaha illallah. Il n'y en a aucun au-dessus. C'est le premier. La priorité, c'est l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala seul, sans rien lui associer. Et quel est le plus grand mal qu'on doit repousser, répugner, rejeter, si ce n'est l'adoration qui est vouée à autre que Allah subhanahu wa ta'ala. L'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala seul sans rien lui associer, voilà le droit d'Allah sur ses serviteurs. De ne pas adorer quelque chose ou quelqu'un en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala, voilà la chose que si on en est épargné, Allah tabaraka wa ta'ala nous épargnera yawm al-qiyamah le feu de l'enfer. Puisque le prophète alayhi salatu wassalam a dit à Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu, le grand compagnon du prophète alayhi salatu wassalam, un des premiers qui entre à l'époque mécoise, il avait 17 ans quand il est entré dans l'islam, très jeune, Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu, et qui était le plus connaisseur de la communauté dans le licite et l'illicite, puisque le prophète alayhi salatu wassalam a dit à l'encontre de Mu'adh ibn Jabal, أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل. Le plus connaisseur dans le halal et le haram de ma communauté, c'est Mu'adh ibn Jabal, un savant parmi les grands savants des compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, un parmi ceux que le prophète alayhi salatu wassalam a envoyé comme ambassadeur et comme prêcheur à la vérité et à l'islam vers le Yémen. Le prophète alayhi salam a dit à Mu'adh ibn Jabal, إنك تقدم قوما أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإنهم أطاعوك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة إلى آخر الحديث. Dans ce hadith, le prophète عليه الصلاة والسلام dit à Mu'ad ibn Jabal, je t'envoie vers des gens du livre. Car le Yémen à l'époque, c'était des gens du livre. Des chrétiens, ils étaient chrétiens. Il y avait aussi des juifs. Et le prophète en lui a dit que la première chose à laquelle tu les appelles, à laquelle tu les invites, soit de témoigner que nul n'est adoré en vérité si ce n'est Allah et que Muhammad est le messager d'Allah. S'ils t'ont obéi, ils ont accepté ton invitation, à ce moment-là, informe-les qu'Allah tabaraka wa ta'ala leur a imposé 5 prières dans la journée et la nuit, jusqu'à la fin du hadith. La première chose, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, alayhi salatu wassalam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait beaucoup Mu'ad ibn Jabal. Un jour, il lui dit, ya Mu'ad, wallahi inni la uhibbuk. Vous imaginez le prophète alayhi salatu wassalam, la chance qu'il a cet homme, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui témoigne cet amour et lui dit, ô Mu'ad, je jure par Allah que je t'aime. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam jure par Allah qu'il aime Mu'ad. Il lui dit, ya Mu'ad, wallahi inni la uhibbuk. لتدعنا دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Ne délaisse jamais cette dua après chaque prière de dire اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Oh Allah, aide-moi pour me rappeler de toi. Aide-moi pour te remercier. Aide-moi pour atteindre l'excellence dans ton adoration. وحسن عبادتك الحسن الإحسان. Vous connaissez le hadith de Jibril alayhi salam. Et dedans aussi, le prophète sallam explique les piliers de l'islam et que le premier pilier c'est la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Le hadith de Jibril, lorsque il dit, Omar ibn Khattab nous dit, بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرفه منا أحد ولا يرى عليه أثر السفر حتى إذ جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام قال أن تشهد لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت قال عمر رضي الله عنه فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله قال صدقت إلى آخر الحديث قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يرى إلى آخر الحديث. Donc عمر بن الخطاب رضي الله عنه dit, un jour nous étions en assemblée avec le prophète عليه الصلاة والسلام. Un homme étranger est venu. Ses vêtements ils étaient blancs, il n'y avait pas de poussière, pas de saleté dessus. Et ses poils étaient noirs, pas de poussière, rien du tout. Ses cheveux et sa barbe. Personne ne le connaissait parmi nous. Et on ne voyait pas en lui les traces d'un voyageur. C'est drôle qu'on ne le connaît pas. Il n'est pas de la ville. Et avec ça, il n'y a pas de traces de voyage sur lui. C'était un homme étranger. Étrange. Jusqu'à qu'il s'est approché du prophète. Il est rentré, il a traversé les rangs. Jusqu'à atteindre le prophète. Et il s'est mis face au prophète. Il a mis ses genoux proches de ses genoux. Et il a posé ses mains sur ses cuisses. Et il lui a dit, ô Mohammed, informe-moi sur l'islam. Le prophète Hassan lui a dit, l'islam, c'est de témoigner que nul n'est adoré en vérité si ce n'est Allah, et que Mohammed est le messager d'Allah, que tu accomplisses la salat, tu donnes la zakat, tu jeûnes le mois de Ramadan, et tu accomplisses le pèlerinage vers la maison sacrée, si tu en as les moyens. Il dit, Jibril alayhi salam, il dit, tu dis vrai. Mais à ce moment-là, les compagnons, radiallahu anhum, ne savent pas que c'est Jibril. Mais pour eux, c'est un homme étrange. Ils ne le connaissent pas. Et il dit, tu dis vrai. Omar al-Khattab a dit, nous étions étonnés. Il pose la question et il confirme la réponse. Comme s'il était déjà au courant de la réponse, subhanallah. Alors qu'à l'origine, Quelqu'un qui questionne ne connaît pas la réponse. Sinon, il ne demanderait pas. S'il demande, c'est qu'il ne sait pas. Et lorsqu'il lui a dit Sadaq, قال فعجبنا له يسأله ويصدقه. Il le questionne et il le confirme. Puis il lui a dit, informe-moi sur la foi. Il lui dit, c'est que tu crois en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier, et que tu crois au destin, qu'il soit bon ou mauvais de la part d'Allah. Il lui dit, tu dis vrai. Informe-moi sur l'excellence dans l'adoration. Atteindre l'excellence, al-ihsan, qu'on traduit là par l'excellence dans l'adoration. Et il lui a dit, c'est que tu adores Allah comme si tu le vois. Car si toi tu ne le vois pas, lui il te voit, subhanahu wa ta'ala. Et à la fin du hadith, hein, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque cet homme est parti, il a dit à Omar, ya Omar, atadri man issa'il, qala Allahu wa rasuluhu a'lam, qala fa innahu Jibril, atakum yu'allimukum dinakum. Il a dit, oh Omar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, oh Omar, sais-tu c'est qui est venu questionner? Il a dit, Allah et son messager en savent plus. Et il répondit, le prophète alayhi sallam, il répondit, c'est Jibril et il est venu vous enseigner votre religion. En posant les questions, il vous enseigne votre religion. Les questions, c'est les questions primordiales, les plus importantes, la base même de l'islam, l'essence même de l'islam. Et donc, وحسن عبادتك اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. D'atteindre l'excellence dans l'adoration, d'adorer Allah tabaraka wa ta'ala comme si tu le vois, car si toi tu ne le vois pas, lui il te voit. Donc Mu'adh ibn Jabal radiallahu anhu, il nous rapporte un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, ya Mu'adh, atadri ma haqqullahi ala al-abid wa ma haqqul abid ala Allah. Ô Mu'adh, sais-tu quel est le droit d'Allah sur ses serviteurs et quel est le droit des serviteurs sur Allah? Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. J'ai dit, oh, Allah et son messager en savent plus. Qala haqqullahi ala al-ibad an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a. Le droit d'Allah sur ses serviteurs, c'est qu'il l'adore sans rien lui associer, sans faire de polythéisme, qu'il soit de véritable monothéisme, qu'il fasse preuve d'unicité en Allah dans son adoration. Puis il lui a dit, wa haqqul ibad ala Allah an la yu'adhiba man lam yushrik billahi shay'a. Qu'il ne châtie pas, quel est le droit des serviteurs sur Allah? C'est qu'il ne châtie pas ou qu'il ne fasse pas entrer en enfer celui qui n'a pas associé à Allah. Donc on voit bien le danger d'associer à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala a créé l'être humain sur la fitra. Al-fitra, qu'on traduira par la saine nature, à la base même, comme Allah tabaraka wa ta'ala a créé les créatures. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, kullu mawloudin yuladu ala al-fitra. Tout nouveau-né, il naît dans la fitra, saine nature. Fa abawah yumajjisanihi ou yuhawidanihi ou yunassiranihi. C'est ses parents qui en feront un mage, un adorateur du feu, qui en feront un juif, qui en feront un chrétien. C'est les parents qui suivront l'enseignement et l'éducation qui lui est dans la maison, hein, qui lui soit donnée. Sinon, à l'origine, il est à al-fitra. Al-fitra, c'est-à-dire qu'il est prédisposé. Il est prédisposé à recevoir la vérité. Il est prêt à accepter l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala sans rien lui associer, à rejeter ce qui est à rejeter, comme l'adoration d'autres que Allah subhanahu wa ta'ala, et tout mal et tout ce qui est blâmable. Donc l'être humain à l'origine, il est à al-fitra. Puis après, il peut être corrompu. Et c'est à ce moment-là que lorsqu'il est corrompu, qu'il rejettera la vérité, qu'il rejettera la bonne parole, qu'il rejettera le fait d'adorer que Allah subhanahu wa ta'ala seul sans rien lui associer, mais pas à l'origine. À l'origine, l'homme n'est pas un sauvage comme pourraient faire croire certains qui disent que si l'homme était laissé à lui seul dans la nature, ce serait un sauvage qui adorerait n'importe quelle divinité en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Non, si on le laisse seul, il est prédisposé à la vérité. Seulement, al-fitra à elle seule ne suffit pas pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Il est prédisposé, mais il lui faut quoi? Il lui faut le wahi. Il lui faut la révélation. Et c'est pour cela qu'Allah tabaraka wa ta'ala a fait descendre des livres et a envoyé des prophètes et des messagers pour montrer aux gens comment adorer Allah subhanahu wa ta'ala, pour montrer aux gens quel est le chemin à prendre pour être dans l'agrément et la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, et pour être à l'abri de la colère et du courroux d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour être à l'abri de l'enfer et du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il en a besoin, mais il est déjà prédisposé. C'est comme la vue, l'œil. Un aveugle, il ne voit pas. Qu'il fasse jour ou qu'il fasse nuit. Que la lumière soit allumée ou qu'elle soit éteinte, pour lui c'est pareil. Il n'est pas prédisposé à voir. Mais quelqu'un qui a la vue, il peut voir, mais seulement lorsqu'il y a la lumière du soleil, du jour, la lumière des lampes, là il peut voir. Mais si on éteint tout, il est dans le noir, il ne voit pas, alors qu'il est prédisposé à voir. Il a la vue, mais il lui faut la lumière du jour et il lui faut les lampes. De même, celui qui a al-fitra, il est prédisposé, mais il lui faut al-wahi, il lui faut la révélation, pour qu'il puisse adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela que le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam, depuis sa naissance, jamais il a adoré des divinités. Jamais il n'a adoré les idoles en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que dans sa ville, Mecca, il y avait les statues, il y avait les idoles que sa tribu, Quraysh et les autres Arabes, adoraient en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Autour de la Kaaba, il y avait plus de 360 statues adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais Muhammad alayhi salatu wa salam n'approchait pas ces statues, il ne les adorait pas, il cherchait l'adoration d'Allah seul subhanahu wa ta'ala. Il ne comprenait pas l'adoration des statues, mais il ne savait pas comment adorer Allah subhanahu wa ta'ala, il ne sait pas comment. Et lorsque il a atteint l'âge de 40 ans, il a commencé à s'éloigner des gens et à s'isoler dans la grotte de Hira. Il s'isole et il médite. Il médite sur la création. Il médite sur le Seigneur subhanahu wa ta'ala. Jusqu'à que l'ange Jibril alayhi salam est venu à lui avec la révélation. Avec la révélation. Et il est devenu prophète. Alayhi salatu wa salam. Il est devenu prophète. Et avec la révélation, il a su comment adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a enseigné aux musulmans comment adorer Allah subhanahu wa ta'ala, puisque Allah tabaraka ta'ala lui dit bien que l'homme à l'origine ne connaît rien, et c'est Allah qui enseigne à l'homme. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun. Et Allah vous a fait sortir des ventres de vos mères, vous ne saviez rien, et il vous a donné les outils, il vous a donné l'ouïe, la vue et la raison afin que vous le remerciez. Il nous a donné les outils pour pouvoir apprendre, pour pouvoir écouter la vérité, pour pouvoir lire la vérité et pouvoir adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala dit à son prophète alayhi sallatu wa salam, وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. Et il t'a enseigné ce que tu ne savais pas, et les bienfaits d'Allah sur toi étaient grandioses, étaient énormes. Et de même qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans le Coran, allama al-insana ma lam ya'lam. Il a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Et Allah tabaraka wa ta'ala dit à son prophète alayhi salatu wa salam que s'il veut demander l'augmentation dans une chose, tu ne la demandes que dans le savoir. Wa qur rabbi zidni ilma. Et dit, ô mon Seigneur, augmente-moi dans le savoir et la connaissance. Donc le prophète alayhi salatu wa salam était prédisposé, mais sans la révélation il ne savait pas. Un grand compagnon du prophète alayhi salatu wa salam, Abu Dharr al-Ghifari radiyallahu anhu, à l'époque jahiliya, pré-islamique, il ne voulait pas adorer les idoles, mais il ne voulait pas les adorer, alors que son peuple, les Arabes, adoraient les idoles. Et qu'est-ce qu'il faisait? Lorsque la nuit tombait, il plongeait en prosternation sur le sol pour Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque l'islam est arrivé, avec l'avènement du prophète Mohammed sallam, que Abu Dharr en a entendu parler, il est venu rendre visite au prophète sallam, il l'a questionné, il a vu que c'était la vérité, que c'était le droit chemin, Il a embrassé l'islam et il a raconté son récit aux compagnons. Les compagnons lui ont dit, mais à cette époque-là, quand tu te prosternais, vers en quelle direction tu te prosternais? Il répondit, là où Allah m'a dirigé. Je ne savais même pas où me diriger. Il ne savait pas comment adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc qu'est-ce qu'il trouvait à faire? C'est pendant la nuit, tomber en prosternation pour Allah subhanahu wa ta'ala dans n'importe quelle direction où il se prosternait. Il ne savait pas comment adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Un aussi qui s'appelle Zayd ibn Amr ibn Nawfal. Et cet homme-là, il est à la Mecque. Et il allait voir Quraysh avant la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il leur disait, c'est pas bien ce que vous faisiez. Il leur demandait d'arrêter l'adoration d'autres que Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'il ne faudrait que Dieu seul subhanahu wa ta'ala. Ils n'ont pas accepté. Ils lui ont mal parlé. Ils l'ont rejeté. Ils l'ont insulté. Ils l'ont frappé. Quand il a désespéré en eux, il les a quittés. Et il est parti rejoindre les gens du livre. Parce qu'il a dit, pour que je trouve le bon chemin pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, les gens du livre, eux, ont une connaissance de cela. Et il est parti voir les juifs. Et il leur a dit, vous êtes des gens du livre. Montrez-moi le chemin d'Ibrahim alayhi salam. Puisque chacune de ces religions revendique son appartenance et sa filiation à Ibrahim alayhi salam. Et ils lui ont dit, écoute, si tu cherches un chemin où il y a la colère d'Allah, prends notre chemin. Ils ont témoigné que leur chemin dedans, il y a la colère d'Allah, qu'Allah il est en colère après eux. Il leur a dit, mais moi j'ai fui la colère d'Allah. Si j'ai quitté mon peuple, c'est pour fuir la colère d'Allah. Et il les a laissés. Et il est parti voir les chrétiens. Et il leur a dit, vous êtes des gens du livre, montrez-moi le chemin d'Ibrahim alayhi salam. Et ils lui ont dit, au jour d'aujourd'hui, il n'y a plus personne sur ce chemin. Mais retourne à la Mecque, car on sent que c'est l'époque où sortira le dernier des prophètes. C'est écrit dans leur livre. Les juifs et les chrétiens savent, dans leurs livres, ils n'ont pas été falsifiés, ils ont la description du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils savent même la description de la ville où il va émigrer, qui sera prochainement la ville de Médine. Ils le savent. C'est écrit. Donc, il est retourné à la Mecque. Quand certains arabes ont appris que cet homme revenait à la Mecque, ils ne voulaient plus avoir affaire à lui, ils sont partis, ils l'ont assassiné. Et Allah tabaraka wa ta'ala en a informé Muhammad alayhi salatu wassalam de ce qui est arrivé à cet homme-là. Et le prophète sallam nous parlant du poids de cet homme auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, la place qu'il a auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa recherche, il ne veut pas adorer autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Il veut adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Il est prédisposé, mais il ne sait comment l'adorer. Et il cherche. Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit sur cet homme-là, يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أُمَّةً وَحْدًا. À lui seul, il sera ressuscité l'équivalent d'une communauté entière. Il vaut une communauté entière à lui seul, subhanallah. Pourquoi? Parce qu'il veut l'adoration d'Allah, tabaraka wa ta'ala, seul, sans rien lui associer. La ilaha illallah, nul n'est adoré en vérité si ce n'est Allah. On a une négation et on a une affirmation. La ilaha, et il n'y a pas de divinité. Al ilaha huwa al ma'boud. La divinité, c'est celui qui est adoré. En vrai ou en faux, tout ce qui est adoré, de par cet acte-là, il devient une divinité. Il devient un dieu. En vrai ou en faux. Et c'est pour cela que les idoles, on les appelle les divinités. Mais ce sont des divinités fausses. Et des divinités, il y en a sur terre. On ne peut les compter. En millions, peut-être même en milliards. Les gens qui adorent les étoiles, la lune, le soleil, la pierre, la roche, les arbres, le sable, les cailloux, les gens qui adorent des êtres humains, les gens qui adorent des anges, qui adorent des djinns, qui adorent la femme, des gens qui adorent la passion, des gens qui adorent des statues, qui adorent des divinités en dehors d'Allah, et on ne peut les compter. innombrables. Les hindous à eux seuls, ils en ont des millions. Que dire des bouddhistes, que dire les chrétiens qui adorent la croix, qui adorent la Sainte Vierge Marie, qui adorent Jésus, hein, les juifs qui adorent le Uzair, des adorants en dehors d'Allah. Et même, j'en viendrai dans la communauté musulmane, des adorants en dehors d'Allah, il y en a plein. Même la passion. Quelqu'un, il adore même sa façon de penser. Il adore même sa philosophie. Et combien on arrive à ce stade-là? Il pense qu'il arrive à un stade que personne ne l'atteint. Il arrive à un stade d'une façon de réfléchir que personne n'a pu l'atteindre. Et combien adorent leur passion. Tout ce que leur tête leur dit, ils le font. Sans regarder est-ce que ça c'est permis ou c'est interdit. Ça prévaut pour eux sur la parole d'Allah et celle du prophète alayhi salatu wassalam. Combien Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran, afara'ayta alladhi ittakhadha ilahahu hawa. As-tu vu celui qui a pris comme divinité sa propre passion? Subhanallah. Donc des adorants en dehors d'Allah, il y en a plein, mais elles sont toutes fausses, elles sont toutes vaines, elles sont toutes rejetées. Il n'y a qu'une seule véritable divinité qui est seule, qui a le droit de recevoir tous les actes d'adoration, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقِّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ. Ceci parce qu'Allah, c'est la vérité, c'est lui le véridique, et tout ce qui est invoqué, tout ce qui est adoré en dehors de lui n'est que le faux. Et c'est lui, Allah tabaraka wa ta'ala, l'élevé et celui le grand. Subhanahu wa ta'ala. Et Allah tabaraka wa ta'ala, c'est lui qui nous a créés. Lui seul. Personne d'autre nous a créés. C'est lui qui nous a donné la vie. Personne ne nous l'a donné en dehors de lui. C'est lui qui nous donne la mort. Personne en dehors de lui nous la donne. C'est lui qui nous donne le risque, la subsistance. Personne en dehors de lui nous la donne. C'est lui qui nous donne le vent, la pluie, le soleil, la chaleur, le froid. Tout nous provient de qui? D'Allah tabaraka wa ta'ala. Personne ne nous donne. L'air qu'on respire, l'oxygène, tout ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et en toute chose, il y a un signe qui prouve son unicité, qu'il est l'unique. وفي كل شيء آية تدل على أنه واحد سبحانه وتعالى. Et en toute chose il y a un signe qui prouve bien qu'il est l'unique سبحانه وتعالى. قل هو الله أحد. Dis-il lui Allah l'unique. Il n'y en a pas deux. Ce Dieu véritable et véridique, c'est lui qui est en droit d'être adoré. Personne en dehors de lui n'est en droit de recevoir une quelconque adoration ou ne mériterait une quelconque adoration. Le seul qui la mérite et qui est en droit de le recevoir, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, toute adoration donnée à autre que Allah subhanahu wa ta'ala est vaine. Et voilà le sens véritable de la ilaha illallah. La ilaha, c'est une négation. Et il n'y a pas de divinité. C'est-à-dire, il n'y a pas de divinité véritable. Illallah, une affirmation, sauf Allah. La ilaha illallah. Al-ilah, c'est le ma'boud. C'est celui qui est adoré. C'est-à-dire que dans la ilaha illallah, on comprend bien que ce qui nous est demandé par cette parole, c'est d'adorer Allah, tabaraka wa ta'ala, seul. Et c'est pour cela que les Arabes de l'époque, Quraysh et les autres, lorsqu'ils ont entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il venait à la Mecque, et il disait à son peuple, Ya qawm, qulu la ilaha illallah tuflihu. Ô peuple, dites la ilaha illallah et vous réussirez. Ils ont dit quoi? Aja'ala al-alihata ilahan wahida. Inna dhalika la shay'un ujab. A-t-il fait de toutes les divinités une seule divinité? Quelle chose bien étrange! Parce qu'ils comprennent l'arabe. Ils comprennent bien la phrase. Qu'en disant ça, que toutes les autres divinités, elles sont vaines. On n'a plus le droit de les adorer. Et comme eux, ils ne veulent pas lâcher l'adoration de d'autres que Allah tabaraka wa ta'ala, ils n'ont pas accepté l'invitation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand ils ont entendu la ilaha illallah, innahum kanu idha qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Et lorsqu'on leur disait la ilaha illallah, ils s'enorgueillaient. Ils ne l'acceptaient pas parce qu'ils savaient qu'en disant cette phrase-là, ils doivent mettre un terme à l'adoration d'autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Un terme total, final à l'adoration d'autre que Allah subhanahu wa ta'ala. À l'origine, Allah subhanahu wa ta'ala a créé Adam alayhi salam. Et de Adam, il a créé Hawa. C'est notre père et notre mère à toute l'humanité. Quelles que soient nos couleurs, nos origines, on est, ou notre taille, ou notre langue, on descend tous de Adam et Hawa. Hein? Comme ça, ça met un peu des idées au clair. Le racisme est interdit en islam. Il n'a pas de place, puisqu'on descend tous de Adam et de Hawa. Kullukum min Adam wa Adam min turab. Vous êtes tous de Adam, et Adam a été créé de terre. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne juge pas les gens pour ce qu'ils sont sans aucun effort. Si tu es né blanc, tu es né noir, tu es né jaune, tu es né rouge, tu es né à mesure, tu as telle taille, tu as telle taille, tu parles telle langue, tu parles telle langue, tu n'as pas choisi. Personne n'a choisi dans quel ventre il va être, subhanallah. C'est Allah, tabaraka wa ta'ala. Sur ça, ce serait une injustice d'être jugé sur ça. Ce serait une injustice. Mais Allah, c'est le juste. Allah, tabaraka wa ta'ala, c'est le juste. Et il nous dit bien, inna akramakum indallahi atqakum. Le plus noble, le meilleur d'entre vous, frère d'Allah, c'est le plus pieux. Et la piété, c'est un travail. C'est des œuvres. C'est un travail. Et n'importe qui, en œuvrant convenablement, peut atteindre les hauts degrés. Et c'est par cela qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous juge. Et c'est par cela qu'on a la préférence. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « La fadla li arabiyin ala ajami, wa la li abiyad ala aswad illa bit taqwa. » Il n'y a pas de mérite pour un arabe à l'encontre d'un non-arabe ou d'un blanc à l'encontre d'un noir si ce n'est par la piété. Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, pendant son califat, il avait mis un gouverneur à la Mecque. Un gouverneur à la Mecque. Ce gouverneur devait venir à Médine. Pendant son absence, il a légué la place à quelqu'un, à son suppléant. Et son suppléant, c'est un ancien esclave. Et lorsque cet homme est venu à Médine, ce qui était la capitale à l'époque des musulmans, Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu lui a dit, qui as-tu laissé sur les habitants de la Mecque? Qui as-tu laissé à ta place? Et il lui a dit, j'ai laissé un tel parmi les affranchis. Un tel, c'est-à-dire un ancien esclave. Il lui a dit, t'as laissé un affranchi comme responsable sur les habitants de la Mecque. Et il lui a dit, ô prince des croyants, cet homme connaît le Coran par cœur et il a une connaissance forte dans la science de l'héritage. Il connaît la science de l'héritage. Et là, Omar ibn Khattab a dit, لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. J'ai entendu le message d'Allah صلى الله عليه وسلم dire, certes Allah élève par ce livre, le Coran, des hommes et en rabaisse d'autres. Cet homme, même si c'est un affranchi, un ancien esclave, mais de par sa piété, de par son savoir du Coran et de son savoir sur les sciences de l'héritage, il a eu cette place-là et ce degré-là. L'essentiel, Adam wa Hawa, puis ils sont venus sur terre et ils ont eu leur descendance. Adam, Allah tabaraka wa ta'ala, l'a fait vivre environ 10 siècles, bien qu'il a vécu 960 ans, puisqu'il a donné un peu de son âge à qui? Au prophète Daoud alayhi salam. Puisque Allah tabaraka wa ta'ala, lorsqu'il a créé Adam et qu'il a sorti toute la descendance de Adam et il l'a montré à Adam alors qu'on n'était que des atomes, il a vu un de ces atomes-là briller, une lumière. Et Adam l'a dit, oh mon Seigneur, qui est-ce? Et il lui a dit ça, c'est un de tes descendants, il s'appelle Daoud, David, le prophète David. Et il lui a dit, mais tu ne lui as pas écrit beaucoup en âge. Il était écrit pour Daoud de vivre 60 ans. Et Adam, alayhi salam, il savait, Allah il lui avait dit qu'il vivra 1000 ans, 10 siècles. Et Adam a dit, oh Allah, je donne 40 ans de ma vie à mon descendant Daoud. Adam, lorsqu'il était sur terre, il comptait les années. Lorsqu'il est arrivé à 960, l'ange de la mort est venu pour prendre son âme. Adam lui a dit, mais j'ai pas encore atteint les 1000 ans. Et l'ange lui a dit, as-tu oublié le jour où tu as donné 40 ans de ta vie à Daoud alayhi salam? Adam a oublié et depuis ce jour-là, sa descendance oublie. Depuis ce jour-là, toute sa descendance, ils ont ce problème-là qui est l'oubli. On oublie parce que Adam, ce jour-là, depuis que ce jour-là, Adam a oublié, alayhi salam. Adam a vécu donc 960 ans, presque 10 siècles sur terre. Les gens étaient sur l'islam. Ils étaient sur l'islam. Après Adam, il s'est écoulé 10 siècles, 1000 ans, entre sa mort et la venue de qui? De Nuh, alayhi salam. Nuh, alayhi salam, entre lui et après la mort de Adam, il y a eu 1000 ans. قال ابن عباس رضي الله عنهما ما بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم كانوا على الإسلام. Il a dit, dans le sens de sa phrase, entre Adam et Nuh, Noé, il s'est écoulé 10 siècles. Les gens, tous les gens étaient sur l'islam. Il y avait des péchés, mais il n'y avait pas de polythéisme. Le shirk n'existait pas. L'adoration d'autres que Allah subhanahu wa ta'ala, ça n'existait pas. Et les péchés, oui, il y en avait. Qui peut m'en citer un? Hein, c'est le plus simple, c'est le plus connu. C'est le vol. Hein? C'est quoi? Le vol. Là, là, ma kench. Là, là, hadi, min Adam ila Nuh, ma kench est shirk. Ça n'existe pas. Al-Qatn. La tuerie. Le fils d'Adam, les deux fils d'Adam. Un a tué l'autre. Subhanallah. Habil wa Qabil. Il y en a un qui a tué l'autre. Et c'est le premier crime sur terre. Et pour cette ce grave crime qu'il a fait, tous les crimes qu'il y a eu depuis ce jour-là, jusqu'à que leur sonne, cet homme-là, le fils d'Adam, il en a une part dedans. Il a une part. Pourquoi? Parce que c'est lui le premier qui a ramené cette chose-là. Et c'est pour cela que quelqu'un qui viendrait dans une région, par exemple, il y a un péché, il n'existe pas. Par exemple, il ramène du vin. Les gens, ils se mettent à boire. Ils font du péché. Mais lui, il ramasse tous les péchés des gens. Pourquoi? Parce que c'est lui qui l'a ramené. Man sanna fil islam sunnatan hasana. فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا دُونَ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُرِهِمْ شَيْءٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا دُونَ أَنْ يَنْقِصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. Celui qui pousse, qui encourage un bien, il en aura la récompense. Et la récompense de ceux qui l'auront accompli, sans que eux ne perdent leur récompense jusqu'au jour dernier. Et celui qui pousse ou qui encourage à un mal ou à un péché, il en aura le fardeau. Il prendra le fardeau de ce péché et le fardeau des péchés de ceux qui l'auront fait, sans que eux ne perdent ce fardeau-là jusqu'au jour dernier. Ad-dallu 'ala al-khayri kafa'ilihi. Celui qui montre un bien, qui pousse à un bien, est comme celui qui l'a accompli. Donc, de part et d'autre, la personne, elle a une part dedans. Subhanallah. Al-Muhim. Les gens, ils étaient sur l'islam, sur le monothéisme. Jusqu'à qu'il y ait eu l'époque de Nuh alayhi salam. Et à l'époque de Nuh alayhi salam, il y avait 5 hommes pieux. Wad, Suwa', Yarouth, Ya'ouq et Nasr. Ces 5 hommes, Al-Rasoul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit que c'est des hommes pieux. de leur vivant, c'était des hommes pieux. Et ils sont cités les cinq noms dans le Coran, dans surat Nuh alayhi salam. وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونصرا وقد أضلوا كثيرا. Ces cinq hommes-là, lorsqu'ils sont morts, Shaytan, Iblis, عليه لعنة الله, il est parti voir certains faibles de la communauté et il leur a dit: pourquoi ne ferez-vous pas en mémoire de ces hommes pieux cinq statues à leur effigie? Ils ont écouté Shaytan et ils l'ont fait. Et au début, c'était quoi? L'endroit où ils avaient l'habitude de s'asseoir ou de se réunir, et ben ces gens-là passaient et ils voyaient ces hommes-là, et ils se rappelaient, hein, la vertu, ils se rappelaient la piété et les bonnes œuvres. Shaitan, il y va doucement. Il sait que ce n'est pas du jour au lendemain qu'un homme devient polythéiste. Il prend son temps, puisque Allah tabaraka wa ta'ala lui a donné ce qu'il a demandé. Qu'est-ce qu'il a demandé, Iblis? Quand il a su qu'il était lapidé, quand il a su qu'il était éternellement voué à l'enfer et qu'il était sous la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qala rabbi anzirni ila yawmi yub'athoun. Il a dit: oh Allah, laisse-moi en vie jusqu'au jour où ils seront ressuscités, jusqu'à la fin du monde. Allah lui a donné. Qala innaka min al-munzirin. Il lui a donné sa demande. Donc Iblis, depuis l'époque jusqu'à maintenant, il est vivant. Il ne mourra qu'à la fin. Donc son travail, il s'acharne sur les enfants de Adam, alayhi salam. Et il veut les détourner du droit chemin comme il le peut. Donc il est parti tout doucement. Une fois que cette génération est partie, les nouvelles générations sont arrivées. Et ils en sont arrivés en finale à adorer ces statues en dehors d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et pour la première fois, il y a eu le polythéisme. Ash-shirk. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas. Et Allah tabaraka wa ta'ala a envoyé un prophète, mais cette fois-ci, prophète et aussi messager. Rasoul. Et c'est pour cela que Nuh alayhi salam, c'est le premier messager. Parce que là, il vient avec un message clair pour remettre les gens sur le droit chemin parce qu'ils sont détournés du droit chemin. Le premier prophète, c'est Adam, Awal Nabi alayhi salam. Mais le premier Rasoul, c'est Nuh, alayhi salam. Et Nuh, il a vécu 1000 ans, alayhi salam. Et il a prêché pendant 950 ans. Pas un an, pas 10 ans, pas 20 ans, pas 50 ans. 950 ans il a prêché pour inviter les gens à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis, au fur et à mesure, Allah tabaraka wa ta'ala a envoyé des prophètes et des messagers vers leur peuple pour les inviter à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala seul, sans rien lui associer. Et tous les messagers, c'était la première chose à laquelle ils appelaient, c'était l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala. Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu Allah wajtanibu at-taghut. Et à toute communauté, toute nation, nous avons envoyé un messager pour dire à leur peuple de n'adorer que Allah et de se détourner, de s'éloigner de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. De même, qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans le Coran: wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Et nous n'avons pas envoyé de messager avant toi, si ce n'est pour qu'il invite son peuple, sa nation, que à cette parole qui est: nul n'est adoré en vérité si ce n'est Allah. Donc c'est bien lui qu'il faut adorer, faire preuve de monothéisme envers lui, subhanahu wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala dit à son prophète alayhi salatu wa salam: fa'lam annahu la ilaha illa Allah wa astaghfir li dhanbika wa lil mu'minina wal mu'minat. Sache que nul n'est adoré en vérité si ce n'est Allah, et demande pardon pour toi ainsi que pour les croyants et les croyantes. De même qu'Allah tabaraka wa ta'ala, lorsqu'il a parlé à Moussa alayhi salam dans le Jabal Tur, dans le Sinaï, entre l'Égypte et la Palestine, cette région qui s'appelle le Sinaï, il y a une montagne qui s'appelle At-Tur, hein, et c'est à cet endroit que Moussa alayhi salam a parlé à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah lui a dit: innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi as-salata li dhikri. Il a dit: c'est moi Allah, nul n'est adoré en vérité si ce n'est Allah, adore-moi donc et accomplis la prière comme rappel envers moi. Et donc, le prophète Mohammed n'est pas venu avec quelque chose de nouveau, si ce n'est ce avec quoi sont venus les autres messagers du prophète, qui est le fait de n'adorer que Allah, tabaraka wa ta'ala, seul, sans rien lui associer. La ilaha illallah, c'est une parole qui est lourde. Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi dakhala al-jannah. Celui qui dit la ilaha illallah sincèrement de son cœur entrera au paradis. Man qala la ilaha illallah la yuridu bidhalika illa wajha Allah harrama Allah alayhi an-nar. Celui qui dit la ilaha illallah ne cherchant par cela que la face d'Allah, Allah lui interdit l'enfer. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Celui dont la dernière parole c'est la ilaha illallah entrera au paradis. La taqumu as-sa'a wa fil ardi man yaqulu la ilaha illallah. L'heure ne sonne pas, l'heure ne vient pas, alors que sur terre il y a quelqu'un qui dit la ilaha illallah. Le prophète alayhi salatu wassalam, alors qu'il est encore à la Mecque, avant de venir à Médine, il a entendu qu'un juif, un enfant juif, était mourant. Il était sur le lit, il était mourant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti lui rendre visite. Et il lui a dit, Ya Roulam, قل لا إله إلا الله محمد رسول الله. Dis la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ô enfant, dis la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. L'enfant a regardé son père pour voir qu'est-ce qu'il doit faire. Son père, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, Ati' Aba al-Qasim. Obéis à Abu al-Qasim, qui était le surnom du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et l'enfant a dit, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Et il est mort. Il a fait la shahada, la ilaha illallah, et il est mort. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il sort de la maison pris de joie, subhanallah, pris de joie, et il a dit, alhamdulillah illadhi anqadhahu minan nar. Louange à Allah qui l'a sauvé de l'enfer. La ilaha illallah n'est pas une parole à prendre à la légère. La ilaha illallah, c'est une parole qui est lourde, lourde sur la balance, la raison pour laquelle Allah tabaraka wa ta'ala nous a créés. La ilaha illallah, il faut qu'on l'apprenne, qu'on apprenne ses conditions, qu'on apprenne ses obligations, qu'on s'éloigne de ses annulations. Car wallahi, en le sachant ou en ne le sachant pas, combien d'entre nous dans notre communauté font le contraire de ce que demande la ilaha illallah, tombent dans des annulations de la ilaha illallah. Ça gagne l'adhan ? Hein ? 5 minutes, Inch'Allah. Donc, font le contraire de la ilaha illallah. Et parmi des exemples qu'on pourrait citer, et que chaque musulman se doit d'être à l'abri de cela. Combien croient qu'il y a des gens qui connaissent Al-Ghayb ? Al-Ghayb, qu'on pourrait traduire par l'inconnaissable, l'invisible, le futur ou le passé. Et cette science, personne ne la connaît, si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a des gens qui pensent qu'il y a des marabouts, il y a des devins, il y a des astrologues, des gens qui connaissent et qui ont connaissance de ce domaine-là. Et ça, c'est contraire à la ilaha illallah. D'autres qui pensent qu'il y a des gens qui sont pieux et ils pensent, ils les élèvent à un degré au-dessus du degré qu'Allah tabaraka wa ta'ala leur a donné, jusqu'à même prétendre qu'ils connaissent Al-Ghayb. Certains pensent que certains walis, certains saints, ils connaissent le secret qui est dans ton cœur, alors que ça ne le connaît que Allah subhanahu wa ta'ala. Ils connaissent des choses qui sont dans le domaine de l'ghaïb. Alors qu'al-ghaïb, al-iman ou bil-ghaïb, croire en l'ghaïb, c'est une des caractéristiques des croyants. Alif lam mim, dhalika al-kitabu la rayba fih, hudan lil-muttaqin, alladhina yu'minuna bil-ghaïb. Les croyants, les pieux, ils croient en l'ghaïb. Et Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans le Coran, قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. Dit personne, ni dans les cieux, ni dans la terre, ne connaît le ghaib, si ce n'est Allah, et ils ne savent pas quand est-ce qu'ils seront ressuscités. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. Le connaisseur du ghaib, il ne donne cette connaissance, une partie de cette connaissance qu'à qui il veut parmi les messagers. Lorsqu'un prophète ou un messager parle dans le domaine de l'ghaib, c'est qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui a donné cette connaissance-là. Sinon, le prophète ne connaît pas l'ghaib. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a entendu une femme qui chantait. Et qu'est-ce qu'elle a dit ? Elle a dit « Wa fina nabiyyun ya'lamu ma bi ghadi » Et parmi nous, il y a un prophète qui connaît ce qu'il y aura le lendemain. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La ya'lamu l'ghaib illa Allah » Ne dis pas cela, ne connaît le ghaib que Allah. Le prophète alayhi salatu wa salam nous dit: Man ata 'arrafan aw kahinan fasa'alah lam tuqbal lahu salatun 40 yawman. Celui qui va voir un devin, quelqu'un qui prétend connaître le futur, qui connaît l'invisible, qui connaît le ghaib, quel que soit le surnom qu'on lui donne et qui le questionne, seulement il va le questionner. Pendant 40 jours, sa prière n'est pas acceptée. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: Man ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Wal'iyadu billah. Celui qui va voir ces gens-là et qui croit en ce qu'ils disent aura mécru en ce qui a été révélé sur Muhammad alayhi salatu wa salam. Je me contenterai de ces quelques paroles. À une autre occasion, inshallah, on terminera cette conférence. وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم واياكم جميعا ان شاء الله.